Lundi, 20h, 21h. Stéphane Corcoran et Baptiste Brunello. Est-ce que ça se discute sur la radio du mamie? Est-ce que ça se discute? Bilan et perspectives. Bilan et perspectives de l'émission Est-ce que ça se discute ? Oui. De lundi dernier. Après, on se trouve dans la cuisine, on va prendre un petit café. Ouais. Donc Est-ce que ça discute ? La semaine dernière, c'était une émission de débat qui se posait des questions sur comment mettre en œuvre un débat sur la radio. Tout ce qu'on sait de l'existence des débats dans les médias en général. Et surtout maintenant, il y a la question, qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième émission? C'est ça un petit peu. Ouais, le truc c'est de s'enregistrer là, faire une captation à la maison. Quoi. Parce que tu ne seras pas là la semaine prochaine. Voilà. Enfin, en direct. Et puis en fait, l'idée qui est venue, c'était, ben, vu qu'on a entamé cette discussion, alors qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Pour t'enregistrer et en se demandant qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Ah ouais. Attends. Excuse-moi. Non, ça va. Ah, tu peux choper le sucre, s'il te plaît? Oui. Merci. L'argent garde là. Et une petite cuillère, s'il te plaît. Ouais. Je vais poser un petit bruit de cuillère sur la courbe du son. J'ouvre un peu parce que. Déjà, j'ai un peu l'impression que l'émission de lundi a un peu dépassé nos attentes. Quoi. On pensait que ça allait durer une heure, peut-être deux. Et puis finalement, ça s'est prolongé pendant 4 heures. Alors peut-être. Ouais. C'était 4 heures en termes de qualitatif, je sais pas. 4 heures de qualité, tu veux dire? Ouais, bon, nos attentes. Ah oui, ah, ça. Bah, moi j'ai bien aimé le. Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant. Enfin. Après, évidemment, sur la fin, ça a basculé dans un truc un peu. Tout le monde avait bu. Enfin, un truc bien délirant. Bien délirant. mais tout le début, je trouve qu'il y avait un vrai truc où on ne savait pas trop sur quel pied de danser. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est sérieux? Et moi, j'aimais bien ce. Bon, c'est pas nous-mêmes, en fait, parce que ouais. C'était le truc aussi, c'était de partir à froid comme ça, mais c'est vraiment moi ce que je retiens, c'est les conditions, c'est vachement difficile d'être enregistré, ouais, même si c'est c'est symbolique, même pour enfin c'est un problème qui c'est oui, il suffit qu'il y ait un dispositif d'enregistrement, voilà, et ouais. C'est plus la même conversation que si ouais. Que s'il n'y avait pas ce dispositif d'enregistrement, ouais. Ouais, non, ça a vraiment ça a pesé, mais moi je sais ça, si tu veux. C'était quand même. Oui, même là, on fait juste le simple fait de faire attention, de parler dans le bon sens du micro. Déjà, tu conditionnes ta manière de t'exprimer. Oui, il y a une notion qui est quand même pas très ancienne, quoi, d'avoir une trace de quelque chose comme ça qui ne soit pas écrite. Oui, il y a un archivage systématique parce que aussi. Cette façon, bah, cela dit, ça existe maintenant avec les photos et tout ça. Ah, bon. Non, l'espace. Ce que tu produis même sur Facebook, c'est archivé. Donc, bien sûr. Bah, ouais, la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on produit pour lundi prochain, sachant que moi je suis pas là. Ouais. Toi, tu as suggéré enregistrons quelque chose. Qui pourra exister lundi prochain, sans qu'on soit là. Tu as commencé à imaginer un truc, et puis j'ai tout de suite dit, bah, attends, enregistrons cette conversation, et il en sortira sans doute quelque chose. Ouais. L'idée, c'était... Enfin, pour moi, c'était peut-être au moins d'avoir de la matière, quelle qu'elle soit, d'avoir un dialogue, ouais, donc... C'était vraiment non plus de... c'était idée comme une autre, mais d'affiner quelque chose, et finalement de rencontrer. De lire un texte peut-être, s'enregistrer ou quoi. C'est aussi. Mais. C'est intéressant de se trouver une place comme ça. C'est bien fait de dire. Pour le proposer tôt, de s'enregistrer, comme on discutait justement. C'est un peu l'émission, parce que. Donc, est-ce que ça se discute de quoi on discute et, c'est moins de soucis, 15 minutes avant. Oui, à peine. Ce que tu disais aussi, c'est. Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi tu. C'est important qu'il existe un truc là. Le fait qu'on ouvre, on le capte. Qu'il y ait une continuité qui s'installe tout de suite. Oui, comme un principe. Le plus gros effet, c'est. Attends, on va bosser sur un jingle. Il faut bien qu'on mette des trucs derrière. Et puis c'est peut-être de prendre la case et puis voilà de s'y tenir. Quoi, c'est le jeu, la règle. Téléphone sonne quoi. C'est après. Il y a quand même des gens qui filtrent les affaires. Voilà. D'ailleurs, c'était marrant, il y a une époque. C'est important. Même le matin, tu sais, sur France Inter, il y a des questions. T'entends parfois sur Yumi. C'était comme ça avant. Par exemple, au moins des voix, même des cris. Oui, pas au sens de la musique, de la discussion. La manière critique des médias. Je trouve que ça manque un peu à cette grille. Moi, j'écoute assez peu de musique et particulièrement pas de. À la radio, c'est pas un réflexe que j'ai. Quoi qu'on dise à la radio, tant que ça parle, c'est quelque chose enfin, qui me va bien. Il y avait des gens qui pouvaient identifier du vidéo. Oui, c'est la France. De manière indirecte. Oui, c'était des gens, tu vois, effectivement. Voilà, la question qui oui, voilà, c'est ça, mais au sens du tout, citoyen, des gens qui voulaient interpeller la hiérarchie éditoriale de France Inter. En 4 heures, on n'est pas. Je pense que ça existe encore. Hein. Mais c'est aussi pas trop arrivé, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé à définir une direction d'émission, mais en même temps, on ne voulait pas particulièrement définir une direction d'émission. Mais ça aurait pu arriver. Moi, mon réflexe un peu naturel, parce que je suis habitué à fonctionner comme ça, c'est d'essayer de trouver des formes et des structurations aux choses et des cas. Pour pouvoir passer l'antenne, une idée que j'avais eue. Pose leur vraie question. J'avais eu le soir de l'émission, c'était de dire peut-être qu'on pourrait. À chaque fois créer une nouvelle contrainte dans une logique un peu limpide, je sais pas si ça va être dire en tête, une logique un peu hypo, tu vois, de dire. Aujourd'hui, on a une heure d'émission, on a 5 minutes par sujet de débat, on débat tel sujet pendant 5 minutes. Enfin, tu vois, un truc vraiment, une contrainte formelle qui impose quelque chose, et puis pof, le temps est fini, on arrête de débattre. Ça me paraît, par exemple, cette idée-là me paraissait pas mal parce que ça montre aussi l'absurdité qu'il peut y avoir à. Faire exister des discussions publiquement, parce que ça commence à un moment, ça s'arrête à un moment. Moi, la question qui existe dans la plupart des cas, le souci d'efficacité, la question de résolution de quelque chose, de. Exactement. Mais alors après, moi, j'entends complètement ce truc-là. Ce qui n'empêche pas du tout le jeu, la règle à un moment. Mais alors, deux choses. Je pense qu'il faut vraiment être attentif à la manière de mettre en place ça, parce qu'on peut très facilement tomber dans le truc libre antenne. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu ça dans les radios associatives, tu vois. Voilà, aujourd'hui, de 20h à 23h, c'est libre antenne, donc viens un peu qui veut, et puis on discute un peu de ce qu'on veut. C'est un peu systématiquement assez ennuyeux, et puis c'est un peu la foire d'empoigne, un peu comme des commentaires à YouTube, tu vois. Enfin, effectivement, au bout d'un moment, les gens ont vu. Voilà, c'est une espèce de mécanique un peu systématique. C'est l'impression que je peux avoir de ça. Je voulais dire un deuxième truc que j'ai oublié. Oui, c'est aussi que. Oui, une logique propre peut se développer dans chaque émission, mais aussi on peut définir une règle à un moment donné, tel jour, et elle n'existe plus la fois d'après. Après, même peut-être ça, tu trouves, peut-être que c'est trop. Non, d'ailleurs, moi, quand je dis c'est trop ou c'est pas ce que je voyais, c'est 15 minutes aussi en pensant bien que l'idée viendrait d'un autre, quoi. Mais carrément, c'est une bonne idée. De fraîcheur, tout ça. Porte ouverte, on le capte, quoi. Ils ont envie de voir ce qu'ils pouvaient se faire. Pourquoi n'arrives-tu pas à rassembler tout ce que tu n'as pas répondu à cette question en direct? Je savais pas, j'avais pas compris qu'il y avait de visuels, ça c'est marrant parce que c'est l'interaction en fait. Et l'affaire vraiment Fred au sérieux. C'est comme un téléphone sonne, quelque chose de plutôt philosophique. Yann, c'est un des trois invités qu'on avait la semaine dernière. C'était marrant, j'ai que. Je veux dire, lui, en quelque sorte, il. Il a. J'avais pas bien compris ça. Il s'est autorisé. Voilà, il m'a autorisé. Donc, il a. Les gens qui utilisaient ce support-là pour faire une critique des médias, pour, tu vois, pour les gens. Évidemment, la notion d'archive, c'est l'archive visuelle. Tout ça. Oui, bien sûr. Qui utilisait ce support pour. Il trouvait la question sérieuse, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Et en même temps, il a essayé de passer de l'absurde vachement. Tu vois. Mais bon, il a demandé ça parce que il y avait une sensibilité de compréhension. Non, de manière indirecte. Oui, c'était des gens, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, mais moi, je t'avoue, c'est citoyen, lobby citoyen, des gens qui voulaient interpeller. C'était un peu ça, un peu sur le rapport de ce qu'ils avaient questionné sur cette histoire. On a décidé de pas le. Le saxophone, d'informations sur ça. Ça va faire une pertinemment que si, voilà. Dans nous, on savait que ça n'existait pas trop ce que ça voulait dire. Dans eux, on pouvait vraiment imaginer qu'on avait des gros trucs préparés, et qu'on faisait exprès de les mettre dans des situations douloureuses, compliquées. Donc, ils mentent. Les gens qui mentent au moment du standard, mais je vont souvent passer à l'antenne, une fois qu'ils sont à l'antenne, ils se présentent, ils posent leur vraie question. C'est-à-dire que c'est une projection à notre intention. Oui, c'est une bonne idée, ça. J'avais pas conscience, en fait, que les gens parlaient sur cette page. Pour moi, c'était, parce que techniquement, j'étais largué, je pensais que c'était peut-être quelques messages de copains sur... Sur le mail de Boris Kudurashi, oui, que j'imaginais moins. Oui, et puis d'ailleurs, en plus, ça élimine le problème du fait que lui, en tant que directeur d'antenne, il a filtré les questions, il en a choisi certaines, il y en a certaines qu'il n'a pas évoquées. Oui, mais carrément, c'est une bonne idée, la projection. La projection, un moniteur quelconque. Oui, le fait qu'on ouvre le cap. Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à ces questions? Je savais pas, moi j'avais même pas compris qu'il y avait ça, c'est même pas très fou de t'imaginer tes interactions en fait. Une terre en jachère fait naître une histoire qui me déprime. Il faisait comme un fou des allers-retours et c'était caché. Pour l'emporter. se voit avec elle. À croire qu'à 20 ans, il n'y a rien mieux à fiche que t'imaginer un slip dans l'histoire. Chez Evelyne Thomas, il a effectivement une crête. Ah avec téléphone pour dire que son fils a une crête et qu'il ne la supporte pas. Oui. Il n'a pas forcément un fils qui a une crête. Ouais, non, mais là, c'est une question de documentaire. Beaucoup, comme je disais, on nous les rapportait. Excusez-moi, en vous écoutant, j'ai fini questionner sur cette histoire. Je pensais à autre chose. Je suis désolé. C'est souvent la notion d'archive, c'est l'archive visuelle. Oui, bien sûr. Une discussion un peu post-adolescente aussi, quand même, qu'est-ce qui justifie dans les cons. C'est peut-être important que les gens le représentent, en fait. Et donc, il y a une image qui soit publiée, voilà. Ça... Voilà. Oui, parce que c'est une clé de compréhension d'une évolution de la relation. Moi, je t'avoue, alors, en abordant un peu ce sujet-là, je t'avoue que hier, ça m'a un peu... Je me suis quand même questionné sur cette histoire de... Le saxophone, faire une émission sur une radio alternative qui dégénère vers une discussion un peu post-adolescente de gens qui sont contents de parler dans les cons, Moi, j'habite la moitié du temps à Die, dans la Drôme, une radio indépendante là-bas qui s'appelle Air Die. Un soir par semaine, il y a libre antenne. Et voilà, c'est les gens, ils viennent fumer et discuter avec des bières comme un bistrot. C'est ça. Et puis, parfois, ça va c'est aussi quand même, qu'est-ce qui justifie. Non, il faut quand même se la poser, cette question. Qu'est-ce qui justifie de mettre un micro de nos classiques juste parce que. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Est-ce qu'on cherche à exister, à être connu? Voilà, même si ça concernait que 14 auditeurs ou quoi, même vis-à-vis de ces personnes, toi que je connais très bien et qui suis avec qui j'ai pas peur de voir compte, en fait, il y a la base de la toute chose. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire de faire avec tout ça était déjà. Exaltant, essayer de tirer vers le sérieux, mais pas le sérieux. Présenter un peu l'essentiel. Donc c'est pour ça que, bien sûr, la question, elle existe. Après coup, la question de, des raisons. En fait, d'ailleurs, on y est arrivé pendant un temps. Je sais pas comment dire ça. Non, mais bah, t'as raison, tu l'as explicité en fait. Parce que toi, tu l'as envisagé aussi dans le cadre de ta démarche globale. Oui, c'est ça. Oui, création, quelque part. C'est comme un truc que je connais un peu. C'est un peu de radio comme ça. Non, j'ai plus vraiment jamais fait ça. C'est la scène, par exemple. C'est pas forcément la radio. C'est quelqu'un qui te filme et qui pose une question sérieuse. Oui. C'est difficile. Alors qu'il suffit de te mettre dans les bonnes conditions et au bout de 3 heures, c'est réglé. Alors que moi c'est ce qui m'intéressait plus là-dedans, c'était plus. Il y a une radio d'un type intéressant qui existe. C'est bien de faire exister des choses dans ce cadre-là parce que pour moi, c'est un peu comme la salle de concert alternative. Les festivals de Gravesine et tout ça, c'est important que ce lieu existe parce que c'est des lieux où on peut être dans une vraie sincérité, une vraie honnêteté. Enfin, on en parlait un petit peu par ailleurs. On en a beaucoup parlé. Et je trouve ça vraiment chouette qu'un espace comme la radio du Momie existe, et donc c'est bien d'apporter une contribution, ça c'est d'une part, et d'autre part, la question de l'émission de débat, je trouve ça, enfin ça rencontre à fond les questions qui préoccupent de manière générale. voilà, le, ah, bah, après tout, tout, tout conception qui, s'exprime, s'exprime publiquement pour dire quoi, quelle est la part du mensonge là-dedans, ou de l'arnaque, ou de la forfanterie, tu vois, tous ces trucs-là. Voilà, et en plus, alors du coup, questionner le système de l'élection de débat, c'est ça, c'est un des deux gros gros trucs qui me plaisait là-dedans. Et d'où ma tendance, on en revient à toujours vouloir essayer de. Imaginez comment ça peut vers la quoi radio qui voulait, mais j'imagine que tu me poses la même question. C'est important d'y aller à la radio. Ça peut évoluer ou tu préfères ne pas te la poser? Bah oui, c'est la radio du. Bah si, on peut se la poser. Alors que la vie ne fait pas le moine, oui. Tu vois, l'espace d'un instant, la discussion, j'avais un peu oublié. Pour le lundi prochain. C'est là maintenant que tu vas me dire. Voilà, bien sûr. Mais alors, à ce moment-là, voilà, on a décidé de faire ça pour le lundi prochain, mais alors qu'est-ce que ça peut être le lundi d'après, tu vois? Qu'est-ce que ça peut. C'est aussi un peu. Là, ça rencontre aussi des questions de processus. Ça se poursuit, c'est très excitant. C'est dingue. C'est passé par là une fois et ensuite derrière. Parce que genre, j'ai entendu le plus vieux des hommes, c'était plus rugissant de ce côté-là. Ah oui. On l'entendait voir. Sur des espèces de grosses vérités qui ont déjà été énoncées la dernière fois. Je pense que l'important, c'est le chemin, c'est pas la destination. Mais c'est ça, mais en plus, c'est ça. Enfin, le processus, oui. Oui, oui, bien sûr. Tous les projets, moi, sur lesquels j'ai bossé, finalement, c'est rien, c'est pas toute chose. En fait, ça va juste te dire aussi la méthode employée pour. Parce que lundi prochain, aucune émission s'y est. On n'est même pas physiquement ensemble, on peut imaginer les discussions Skype, enregistrées, ou pas. Ah oui, oui, ces choses-là sont un petit peu excitantes. Ah oui, oui, d'accord. C'est d'ailleurs une question de goût et de couleur qui ne se discute pas. Non, mais c'est, non, parce que tu sais, là, il y a une super série d'émissions, là, dont je ne me rappelle plus le titre, mais qui dissèque un peu la réalisation d'albums un peu de légende, d'albums qui sont venus dans le monde de la pop. Donc, je sais pas, il y a le Smells That Teen Spirit de Nirvana, il y a Transformers de Louis, ils prennent les bandes d'enregistrement et ils retrouvent un peu les gens qui ont participé à ce enregistrement et ils retracent un peu la construction de l'album. Il y a un truc de Stevie Wonder aussi. En posant des micros dans la pièce. Et il y a un album de Bob Marley dont je m'en rappelle plus. Mais il ressort clairement de cette émission que. Il t'a dû dire ensuite, et puis. C'est un projet de maison de disque. Pendant l'enregistrement, je crois que c'était. Ça enregistre. Je sais plus comment s'appelle le directeur du site, c'est un bruit, mais c'est un mec super connu. Et bon, oui, mais l'idée c'était de rendre cette musique-là écoutable et par un public américain. Donc tu vois, il y a vraiment cette idée dans le. Mais de toute façon, ça se verrait, tu vois. Rendu Bob Marley célèbre. Ça serait dur à. Je l'ai fait une fois en fait. Générer un produit américano-compatible. Donc il y a quelque chose de plat. Est-ce que l'artiste là-dedans? Parce que finalement, la vie ne fait pas le moins. Ça aussi. L'idée va jouer quand on joue ça. Si tu crois que les femmes ça les amuse de faire semblant, se défoncer la tronche avec les cosmétiques de maman qui va encore aller quand elle va les coincer en train de se maquiller. Si tu crois que les mecs costards bonjour un gars ça les éclate vraiment de se donner tant mal à exister. Tu te rends pas compte, tu sais, le fric c'est chic, mais le shit c'est cher, même quand c'est cheap. Continuez à user des mots qui n'en peuvent plus sur des musiques rythmiques en télémons. De ces textes, c'est quelque chose d'hyper... Ah, le message. Hyper alimentaire, en fait. Ouais. Et malgré tout, c'est... Lève-toi, lève-toi, parce que je produis des droits. J'ai isolé, en fait, des choses humoristiques qui existent dans l'espace public, et quand il fait la provocation, peut-on rire de tout. C'est pas forcément un fils qui est une frère qui n'est pas mis en valeur. Distingué quand on vient tous les 3 ans. La vie ne fait pas le monde, c'est les couleurs. Tu lui as pas dit que tu rentres ça. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, ça relève pas du tout de la même... même niveau quoi. La bible ne fait pas le moine. C'est vraiment un sale truc, mais tu vois. C'est vraiment très, enfin, très drôle. En fait. Ouais, non, c'est marrant parce que ces sujets, ça existe avec les enfants. Un enfant, tu peux lui dire. Les goûts et couleurs. Tu vois, quand il est en phase d'apprentissage, tu peux lui dire. C'est important pour lui qu'il comprenne à un moment donné que quelque chose a une apparence, mais envie de se capturer, c'est pas l'éternité. La bible ne fait pas le moine. Si tu dis arrête, ça peut rechercher la caméra ou le juste bah, alors que les goûts et couleurs, c'est un moment, c'est la fatigue de la spontanéité. C'est juste une façon de. C'est pour ça que c'est que un peu si tu peux tu vas le l'anéantissement de la pensée quand même. Non, bah, ouais, tu vois, c'est pas que moi je pense que tu dis les pas que sur les réseaux pas sûrement pas beaucoup que c'est l'idée de capturer la spontanéité, c'est quand même terrible. Après, il faut aller à l'esprit. Alors que la vie ne fait pas le moine, oui. Ah oui, dans l'espèce d'évolution humaine. Un peu, en final. Parce que, oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, parce que... Mais c'est de base, je sais pas, j'ai un caractère un petit peu... un petit peu... à la fois évident, hallucinatoire, et puis... Est-ce que si quelque chose traverse les générations, est-ce que ça veut dire que si on a un mec au collège, en tout cas, cette question a existé dans ma tête. L'impression d'arriver avec une petite grande vérité, ça fait partie de. C'est pas. Ouais, mais c'est dans ce sens-là, tu auras. Tu parles de monnaie, mais je sais pas, HK et les Strudbergs. Des trucs comme ça, dans les pays européens, tu repars dessus pour l'affecter et en quoi ça l'affecte. C'est encore différent parce qu'il y a aussi un peu des adaptations, des cas d'autisme. C'est aussi bien que la chance d'autisme, c'est juste comme ça, mais je veux dire, voilà, je crois que ça qui t'apprécie un peu. C'est quelque chose que j'ai entendu, mais alors des personnes qui s'intéressent très très bien. J'ai eu des enfants en France. En fait, en anglo-saxon, c'est très très gentil. Et là, ils ont pris des gens qui ont des enfants et tout ça. Ça fait pas tellement bien, mais on dirait que c'est du bien. Ils leur donnent. Juste ça forme bien des mots simples sur les dangers de l'enjol. Je me dis que forcément le moment qui continue à être compliqué alors franchement. Tu vois les différents types de preuves. Il y a longtemps, ça sera aussi. Tu veux dire les goûts et couleurs ou la vie ne fait pas le moine? Parce que là, la contrainte. Tout devrait être solvé depuis longtemps. Non, mais tu vois, mais tu sens oublier l'importance de la réverb. Tu sens l'oublier. Non, mais c'est des choses. Je sais pas. Tu vois, on parlait l'autre jour de trouver un sujet de débat. C'est pour ça aussi que tu. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que finalement la vie ne fait pas le moine? Et du coup, on pourrait parler 30 ans là-dessus. Ah oui, c'est interdire ça, tu veux dire. ouais, les goûts, ouais, les couleurs, cela se discute. Mais moi, ouais, je l'ai vécu, ce truc-là, tu vois, je l'ai vécu 3 ou 4 fois dans mon existence, puisque je, c'est le, puisque je produis des choses humoristiques, ouais, qui existent dans l'espace public et qui jouent sur la provocation. C'est marrant parce que je reviens toujours là encore, mais je trouve que je parlais de l'hypo. Bouffé, c'est là. Ça fait un premier vraiment de raison. J'ai pas appliqué, j'ai eu super envie. C'est une chanson qui se du coup, ouais, pourquoi débat? Du débat, en droit, c'est pas de se faire. Parce que oui, on peut en parler de temps pour vous gras d'une part, et puis en plus. Est-ce qu'on fait, tu vois, c'est qu'est-ce bien, qu'on, est-ce que. Souvent dans les débats, on débats, met un panneau avec écrit ces sujets ne seront pas abordés avec moi, tu vois. Les goûts et les couleurs. Je veux être un peu surpris. La buffet était le moine, Bob Marley. Attends, à aucun moment. Les de tout. Les abstentionnistes sont-ils responsables de tout ça? C'est mal à la tête, c'est quand même. C'est enfin, je sais pas, moi, il y a un moment, c'est la fatigue, après, j'en ai marre. C'est tout super. Oui, sachant qu'il y a au maximum 40 personnes qui écoutent. Les trucs faits sur des trucs qu'on a dépassés. Une fois, on a été réglé il y a longtemps. Alors, ça, c'est marrant, ça m'évoque un article que j'ai lu. Des croyants, forcément, vous avez invité. C'est un article où il y a une étude scientifique qui a été faite récemment. Le côté sans prétention, il serait un peu la question. Pourquoi. Finalement, ce qui est bon, des croyances. Alors, les gens, c'est nous aussi. Mais disons que même si. Pourquoi, quand les gens ont des croyances, le fait qu'on leur apporte des preuves, qu'il s'agit de croyances, ne les pousse pas à changer d'avis, et parfois même les renforce dans ces croyances. Là, en l'occurrence, ils ont pris un groupe de gens et un groupe de témoins, comme on fait dans la science scientifique. Il leur donne. Il accordait pas beaucoup d'importance. Il ressort d'infos. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils mettent la radio cohérente chez eux parce que ça fait une présence. Les trucs sur les dangers de la rougeole. Mais cela dit, là où je trouve ça, tout ce que tu dis, là où je trouve ça pas prétentieux, en fait, il n'y a aucun rapport au sens qu'ils entendent. Tu vois, les différents types de preuves. Clairement. Et en cas de remise en question, ils ont des gens qui sont. Alors c'est long. Enfin, je résume ça. C'est quand même le fait que c'est typiquement sur l'alimentation. Avec mes petits moyens et les problèmes de mort. Oui, voilà, c'est quand même une massification par rapport à ce que tu veux soulever là, c'est aussi que on croit des choses et on a envie de croire. Et peu importe les gens, tu vois, en fait, oui, c'est une expérience de gens aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être pour ça aussi. Non, c'est vrai, c'est le truc qui. On a envie de croire que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Oui, les gens. C'est après, c'est la diffusion. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 45 ans, je ne supporte pas ma voix. Je ne peux pas l'imposer à personne. Oui, tu vas devoir l'écouter un entier pour vérifier que le son est bon. Je sais pas, c'est bizarre, t'as vu, ça a augmenté tout à coup. C'est parce que je me suis rapproché du micro. Parce que oui, on peut en parler. Éclater de rire. Et puis en plus. On s'aperçoit quand même que souvent dans les débats publics, on voit dans les débats médiatiques, les gens arrivent avec leurs idées, ils repartent avec leurs idées. Ils en ont rien. Ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui fait que chacun a une idée. Temps, à aucun moment, c'est pas le jeu. Le truc, c'est surtout pas saturé. C'est une grande question. Enfin, tu vois, c'est quoi, ça fonctionne quand même. Il y a peut-être des degrés aussi. On est passé dans le jeu une fois, mais. Aussi, les gens savent pas vraiment ce que c'est que d'avoir le. C'est le. C'est le. C'est le. C'est peu, en fait. D'avoir la foi. Et dire que. Je comprenais pas en fait. La piqûre de rappel. Oui, non, mais en plus, c'est des bases. En plus, c'est vrai que si on était croyants, enfin, souvent on nous avait invité à l'être. Donc il y a des gens qui le faisaient. Et ça, ça a été 1015. D'où vient-on? Puis on n'avait rien dit particulièrement. Et puis, ils sont devenus croyants. Ou tu peux encore justifier, si une fois tu rencontres quelqu'un, quel est l'intérêt? De toute façon, on va rentrer à cette question-là. De participer au. rituel comme ça, fois, tu promets, qui existe, de faire partie de la plus grosse équipe. Parce que ces histoires sont racontées aussi. Oui, sans ça, ça se passe. Sinon, là, il y a des trucs de faire partie de ce groupe-là. Après, des gens choisiraient un homme ou un autre, en avoir un. Je suis en fin de série, je le sais, j'ai une femme aussi. Il faudrait le tuer maintenant. Ouais, mais qui est par rapport à Michel Simès et Michel Sainz. Pourquoi est-ce que ça vous parle de. Alors, quand Michel Sainz est arrivé, sur les cartes, à ce point-là, c'est vraiment que. C'est déjà qui est Michel. C'est vrai que ça peut y aller, c'est-à-dire que. Soyons pas du tout sur la Terre. Ah oui, alors, la forme. Oui, je vois à quel point on est aussi influencé par le contexte, dans quoi on grandit et tout ça. Après, toute la conception du monde un peu efficace, c'est vraiment étonnant de faire ce qui se passe. Mais moi, Pyramide, il m'énerve, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un super étonnant. Ouais, c'est un mec qui a des espèces de formules comme ça. De la défense ou de la persuasion. Dans le système. Les cas de remise en question sont vraiment rares. Oui, oui. Là, on se soucie à des gens qui l'idéalisent. Moi, je parle sur la radio plutôt moderne. Je pense plutôt à la radio de l'Union, plus que radio mondiale. Non, non, non. Il y a quand même une massification de musées, des objets. L'existence de cette idée chez les gens. Dans un instant, peut-être que la discussion, j'avais un peu oublié de parler et je me. C'est là maintenant que tu viens, ouais, c'est un mais ça, c'est aussi un peu. Puis il y a Goulet aussi, tu vois. Oui, pourquoi enfin, après, c'est la diffusion des idées. Pour moi, c'est une question. Sûr, mais est-ce qu'il ne manque jamais d'exister aussi, c'est que la force d'être adulé, ça transforme beaucoup les gens. Et ensuite, à l'arrière, en tout cas, n'importe qui, ça fait dingue. Personne n'est étanche à ça. C'est un petit peu le pic. Tu crois que. Ouais, je suis sûr, oui. Ah oui, j'ai pas très loin. Mais quand c'est passé la diffusion, c'est sûr, il faut se résumer qu'à deux balles. C'est un peu comme une mermée du dos. Ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui fait que chacun dit ah oui, face à ça. Ah oui, en fait, c'est vrai. Moi, c'est ce que je me suis imaginé. C'est marrant, d'ailleurs, parce que tu t'imagines un scénario. Tu as besoin de mettre un scénario dessus. C'est ça que je veux dire. Oui, mais ça suffit pas. En fait, je crois que les gens savent pas. C'est marrant, c'est qu'ils ont des micros d'esprit. Oui, oui. Ce qui est qu'ils ne voudraient pas avoir la fouche. Voilà, il y a plus de libre. Oui, là, il peut y des choses intéressantes. C'est-à-dire que ça change, ça ce qui est un montage, c'est trop de bien gagné. Je parlais pas à ça. Je veux dire, il faut quelqu'un qui a posé la question. C'est vrai, c'est ce que ah non, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais bon, oui, mais une forme d'idée nous, ou pas ou alors il faudrait que l'un de nous deux, déjà, fasse en douce. Mais de toute façon, ça se verrait, tu vois. C'est ça. Après, cette conception du monde un peu efficace, effectivement, englobe forcément ses contradictions. Sinon, ça marche pas. Chino De Niro, jamais vraiment. Depuis quelques années, l'idée venue sur la véritable sensation de marge, qui existe plusieurs fois. C'est interdit par un système ou pas, c'est aussi aujourd'hui. Dans le système d'enregistrement. On est très loin d'être suffisamment extraterrestre pour. J'ai isolé après. Ouais, ne pas en faire partie. Ah oui, ça c'est sûr. C'est une recette. Y compris sur Radio Momi. La radio du Momi. C'est important de dire la radio du Momi, puisque Radio Momi. C'est une blague. We'll be right back. C'est aussi un peu. Ouais, c'est. Putain, l'autre soir, là, la course-poursuite à l'arrière là, de, dans Darnect, là, mais c'était en fait, dingue. Quoi. C'est passé par là une fois et ensuite derrière, parce que je l'ai entendu. Mais c'était plus rugissant de ce côté-là. Ah oui. On l'entendait moins, mais quand c'est passé là-bas, je résumais qu'à deux bagnoles. C'est une sujet. Et une moto aussi. Si tu veux, tu vas aller la voir. Parce que c'était le multi-hier. C'est marrant, parce que tout de suite, tu t'imagines un scénario. T'as besoin de mettre un scénario. C'est l'idée de capturer la spontanéité. Oui, c'est que ça suffit pas. Après, il faut avoir le respect de la personne. Oui, mais c'est marrant, parce que moi, je me suis visualisé. Une discussion comme celle-là, on est. Ouais, ouais, puis finalement. Même pas grave, même. J'ai l'impression que c'était faux. Il y a plus de motards flics que de motards. Ils sont compensés, en fait, puisque tu vois peu de motos. Chez moi, il ne se réveille pas. Oui, c'est plus vrai. Plus c'est un peu crétin, c'est un peu crétin. C'est le truc que j'ai ressenti. Non, mais en fait, c'est une petite croyance. Sinon, on l'écrivait, puis on faisait. Tu vois ce que tu veux dire. Ça ne suit pas. Je veux dire, en tant qu'histoire. Faire passer de super bonnes idées qu'on a. Jean Jaurès, quand il faisait de l'impro, ça déchirait. Ça fait effectivement partie de questionnement sur c'est parce qu'il était faisait du slam. Je me disais, tiens, c'était un slam. On arrive à créer des conditions, on nous a dit, vous avez capté tout ça. Oui, c'est sûr. Alors que l'autre, là, en ce moment, peut-être de... très occasionnel. Je vais faire des émissions surprises. Non, en posant des micros dans la pièce. Si vous avez pas écarté là, avant d'avoir des micros, vous faites une bouchée. Mais en tout cas, c'est question sur les commentaires, sur les positions. Oui, pendant l'enregistrement, tu nous dis, pendant que ça enregistre, tu n'as pas de coupure. Une discussion, comment est-ce que ça enregistre à un moment. Il s'est pas fait squeezer. Mais bon, oui, mais nous, on serait. Ou alors il faudrait que l'un ou deux, c'est déjà, le fasse en douce. Que le maximum de personnes dans la discussion. Non, c'est horrible, c'est ça. Mais de toute façon, ça se verrait. Ouais, ça serait dur. Je l'ai fait une fois, en fait. Je devais le savoir. C'était une émission. Alors, tu t'as fait un quart d'heure. Mise de l'intérieur. Je dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un. Magique par manuel. Comme ça. Pour lui dire, c'est vraiment. C'est mal, c'est une grande vie. La personne, simplement avec le micro d'ordinateur, ça j'ai. Je sais pas si, ouais, si le. Mais si l'enregistrement, j'en reviens trop là, mais c'est son parcours. Bah, après, j'ai isolé en fait. Tu dis que forcément, au moment on va arriver. Alors, c'est pas du tout. Non. Bizarre, oui. Lui, il voulait rester auprès de son arbre, trouver à chaque fois une nouvelle contrainte. Je l'ai pas mis en valeur. C'est vrai, j'ai pu prendre le. Parce que là, la contrainte, c'est la qui sait. Donc, d'ailleurs, là, en sens, tu lui as pas dit que c'est l'enregistrement. Oui, oui, c'est vrai. Il est en son colère rouge. Enfin, c'est vraiment un seul truc, mais c'est vraiment très drôle en fait. Ouais, non, c'est pas un seul, parce que ça existe avec les enfants, tu vois. Les enfants, tu les vois faire un truc super mignon, super drôle, une belle chose. Alors, pas de n'importe quoi, c'est encore de t'as envie de le capturer, de t'arrêter. Par contre, si tu dis arrête, je vais chercher la caméra, je vais chercher l'interrupteur, bah ça finit. Toute la spontanéité de ce moment-là, si tu peux, tu les restes très dessus et puis après tu regardes ensemble. Enfin, tu vois, tu partages après le truc. Mais là, c'est la même chose, non? Ah ouais, ouais. Et c'est l'idée de capturer la photo. Parce que c'est un plan, parce qu'il est bloquant, mais je trouve que... Après, il faut avoir le respect de la personne, et aussi une idée dans une tour comme là, appliquée, sur la première fois. Sachant qu'il y a au maximum 40 personnes qui suivent, on va très vite arriver à dire oh, putain. Je vais essayer avant de venir, et puis on verra comme quoi ça affecte les. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme l'eau qui va remonter cette idée. Mais en tout cas, cette question a existé dans ma tête, on se prend un peu la histoire. Parce que ça aussi, c'est forcément de moi à ce point-là. D'ailleurs, c'est une autre question, mais je sais qu'avec certaines personnes, je vais forcément arriver à parler de suivre l'affecter et en quoi ça l'affecte. Ah oui, c'est super quoi. Et aussi bien que d'ajouter une contrainte formelle, tu peux ajouter un élément. Mes parents qui étaient profs, je sais qu'au bout d'un moment, on va parler d'éducation. Ou alors, des personnes qui s'interdisent par débat sur l'éducation. Si je passe 3 heures, Romain, au bout d'un moment, on va parler de son frère. Tu vois, des choses comme ça. Je sais pas si ouais, si le. Ça existe. J'en reviens toujours là, mais c'est-à-dire que. Je me dis que forcément, au bout d'un moment, on va arriver à dépasser ce truc-là, quoi. Ou alors, Parce que là, la contrainte. C'est une vraie question. Là, la contrainte. Il y a aussi un plaisir à y aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils mettent la radio pour rentrer chez eux. Ah oui, présent. Je sais qu'on va y arriver. Peut-être que c'est en fait. Là où je trouve ça. C'est-à-dire qu'au moment où ça se produit, mais en effet, c'est parce qu'il y a un plaisir à en parler aussi. C'est la place de la communication dans les familles. Ah oui, oui. S'interdire ça, tu veux dire. Je ne pas. Oui, voilà, c'est une expérimentation. Je ne sais pas. Ouais, non, mais c'est une vraie question. La chance est contraire de ne pas voir de mes parents. C'est une expérimentation. Depuis quelques années, on. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est le truc qui. C'est marrant parce que je reviens toujours là encore, mais je trouve que je parlais de l'idée. Ah oui, c'est chouette ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette ambiance. J'ai 45 ans, j'ai besoin de voir la même chose. Oui, c'est pas de l'écouter un petit peu. Ah, c'est bizarre, t'as vu, ça a augmenté du petit peu parce que je me suis rapproché du. Parce qu'on est éclaté de rire. Oui, c'est. Je le compresse peut-être pour. Je voudrais leur compression change un peu. Je vais vous être un peu surpris. Moi, à mon avis, Finalement, ce qui est dit, peu importe quoi. D'ailleurs, il faut qu'on pense à quelqu'un. Mais disons que même si. On pensera à ça après le Skype. Je pense que. De toute façon, après cette question-là. Tu as inversé. Ah oui. La banque, pourquoi pas. Déjà qui est Michel. C'est très bien que ça peut y aller, c'est-à-dire que le chapeau, tout. Chez lui, il explique les conditions dans lesquelles il travaille. Tu penses à quelqu'un il avait toujours un livre de la poêle. Non, c'est juste ça, ça ne va pas rentrer dans le canal à derrière. Et dans cette idée. Chacun du pôle autour d'un micro, qui n'accordait pas d'excellence. Il y a beaucoup de gens qui mettent le radio pour rentrer chez eux parce qu'ils ont une présence. Ils ont une présence. On a fait le reproche. Quitte à cela dit, là où je trouve ça. Là où je trouve ça mal. Au sens où je m'attends, c'est que. Clairement, définir l'idée de faire une émission sur le débat. Tu m'as fait que c'est il y a des gens qui l'idéalisent, c'est peut-être pas nous sur un pied. Non, moi je parle vraiment d'un. Oui, voilà, c'est une expérimentation. Pour toi, un truc d'idée. Non, mais moi je ne défends pas le cas, mais je sais que c'est quelqu'un qui. Après, on pourrait aussi. Oui, c'est une expérimentation. J'avais envie d'arrêter, mais toi, t'as envie de pour aller jusqu'à une heure. Le fait d'être exposé, médiatiquement, c'est ça. Tu vois, tu ne prends pas conscience de ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Regarde sur ce truc-là. Comment ça. Je ne sais pas. Oui, on n'a jamais écouté un dentiste pour vérifier que le son est bon. C'est bizarre comme ça. C'est 5 minutes qu'on parle. C'est ça. Éclaté de rire. Personne n'est en chasseur. C'est sûr, on doit aussi avoir quand même une facture. Se discute S. Ça. Bafan Cornello. Tu sais, on isole. Oui, c'est parce que en fait, c'est parce que moi je. Fait une émission, j'aime les moments où on a parlé de. Parce que j'évite le sens en fait. C'est humain, c'est ça. J'évite le sens. Ou alors je n'ai pas la vidéo au tout départ. Par pièce, la montée aussi. Oui. On isole ce voilà. Ça me connaît là. Alors putain de sirènes, comme elles sont fortes, tu regardes sur la cour. Ouais, ça fait ce qu'il y a de la cour. Non, ça va, on n'est pas. Mais tu sais que c'est la deuxième chose qu'ils ont. Ah non, c'est Bernstein. C'est Bernstein qui a fait ça. Il y a deux ans que je suis là. Quand je dis il, je parle des Belges. J'ai mon stage avec mon stage. C'est aussi quand même tout ce qui justifie. Oui, enfin, le corps armé. Quand il. Je me rappelle de boire un coup à l'angle dans un bistrot qui fait l'angle chez l'hôpital. Oui, bien sûr, non, mais tout à fait. Je suis les oreilles, quoi. Parce que ça, on ne le fait pas et ça fait juste. Ça donne plus de. Oui, mais peut-être qu'il faudrait expliquer ce que tu veux dire là sur le. C'est un bon exemple parce que oui, ça peut être fait. C'est un truc. Est-ce que ça sera fait c'est ce qui te fait plaisir, ça dira. Non, c'est qu'en fait, je ne crois pas dire des choses en droite ligne comme ça. J'ai pas de raison. C'est quelque chose que j'ai jamais expliqué. L'intégralité de l'enregistrement. C'est assez dur aussi parce que. Paradoxe, pour moi, ça devrait pas assez expliqué très clairement que le sens dans après, ça pourrait être j'ai pas le dire, mais jamais on voit nulle part. Je vois pas, parce que chez moi, une espèce de façon de faire. Que toi, tu considères comme des mots. Non, parce que moi, je dois produire pour moi, pour ma conscience, qu'on va faire des vérités de bonheur que tu as. Qu'on le fasse ou non, c'est quelque chose. C'est ça qui c'est flou qui existe. C'est bien de le préciser. Moi, je vais en faire un mot effort. Ah oui, d'accord. Que ce qui m'intéresse. Parce que. En fait, on n'a pas discuté de ça, mais. Parce que je. Je sais pas si c'est l'époque d'un peu de marche spontanée, c'est ça, on vient de commencer. C'est l'idée qui me plaisait en proposant d'arrêter de parler, de s'enregistrer et de recommencer à parler, c'était justement de capter la vie. Et là, il y avait aussi. Voilà. Ça relève d'une espèce de la poésie existe aussi dans le justement là-dedans. Ce qui relève de poétique dans l'existence n'est pas dans cette question comme ça. Ou en tout cas, je suis absolument un peu de ça, mais après, oui, favorable au fait que on y est arrivé pendant un temps. Non, je parlais justement du sens. Non, mais là, c'est même plutôt. C'est assez curieux, excessivement, de Vito Star prendre sur les trucs compliqués. Je veux dire, ou alors, oui, c'est ça. C'était le cas, j'ai dit, on en peut. Deux heures, quoi. C'est fini dans notre émission. C'est un remix. Au moment, je devais vraiment que ça soit. C'est un remix de Baptiste Brunet. Il y a une énorme. C'est abominable, en fait. Ce discute, elle s'est placée. Non, j'ai pas compris ça. Bafal, Cornelo, parce que beaucoup la vache brun. Oui, c'est parce que en fait, c'est parce que moi je suis en train de mal, mais c'est quand même douloureux. Tout qui fait partie du monde. Et, parce que j'évite le sens en fait. Je crois que c'est ça aussi. J'évite le sens. Ou alors je me dis qu'on peut là, mais par ça je suis peut-être pas une solution. Et ce moment. Contre, voilà, on peut le fabriquer. Pas forcément ça, mais en tout cas, les choses filent. Mais concerné plus 14 ans. La question du sens dans la création, tu veux dire. Même vis-à-vis de moi, en général, et puis là, c'est un endroit qui j'ai pas peur. C'était là, en fait, puisque je n'ai pas peur. C'est une possibilité existative. Et pour moi, ça, c'est-à-dire que les choses comme ça. Faire avec tout ça était déjà. Il y a plein de choses en fait qui pourraient se vivre. Je le vois dans. Stéphane Corcoran, Baptiste Brunello. Est-ce que ça se discute sur la radio du Mami? Est-ce que ça se discute? Un mec qui vient avec une crête chez Evelyne Thomas, il a effectivement une crête. Un mec téléphone pour dire que son fils a une crête et qu'il ne la supporte pas. Oui. N'a pas forcément un fils qui a une crête. The only thing on this earth I'm any good for, they won't let me do.